إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons ouvrir aujourd'hui, inshallah, tabaraka wa ta'ala, une petite parenthèse sur la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. En effet, il convient d'examiner les types de révélations qui sont la base du message et de l'appel à l'islam. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, dans son fameux ouvrage sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zadul Ma'ad, a ainsi relevé ces différents types de révélations. Et il en a cité 8 que nous allons expliquer en partie, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Le premier type de révélation est le rêve véridique, qui est à l'origine de la révélation, comme nous l'avions déjà signalé, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne reçoive la visite de Jibril, alayhi wa sallam, recevait ou voyait en songe des choses qui allaient se réaliser par la suite. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sallallahu alayhi wa sallam, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore, comme ceci est venu dans le hadith de Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Nous avions déjà expliqué cela auparavant. Deuxième moyen par lequel le prophète recevait la révélation est que l'ange Jibril, alayhi salam, inspirait des paroles dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en demeurant invisible à ses yeux. Le prophète a dit en effet, dans le hadith de Abi Umamat al-Bahili, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فان الله لا يدرك ما عنده الا بطاعته. L'imam al-Albani l'a cité dans As-Silsilati Sahiha sous le numéro 2866 avec une chaîne de transmission qui est bonne. Hassan. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis sans que je ne vous l'ai ordonné. Et il n'y a pas une chose qui vous rapproche de l'enfer sans que je ne vous l'ai interdite. Le Saint-Esprit, et il voulait signifier par là l'ange Jibril, alayhi salat wa salam, Ruhul Qudus, le Saint-Esprit inspira en mon cœur qu'aucune âme ne mourrait avant de bénéficier de toute la subsistance qui lui a été destinée. Craignez donc Allah et recherchez cette subsistance par des moyens licites. Que votre impatience à l'obtenir ne vous amène pas à désobéir à Allah. Ce qu'il y a auprès d'Allah ne s'obtient qu'en lui obéissant. Ce qui est important à comprendre de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Esprit inspira à mon cœur. Inna ruha al-qudusi nafatha fi ru'i. Troisième moyen par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation est que l'ange Jibril alayhi salat wa sallam prenait une forme humaine et parlait avec le prophète jusqu'à ce que celui-ci ait bien compris ses paroles. Les compagnons, parfois, voyaient l'ange Jibril sous cette forme humaine. Salama, radiallahu anha, a vu Jibril sous la forme de Dihyat al-Kalbi. Dihyat al-Kalbi, c'était un compagnon qui avait la particularité d'être beau. Jibril, alayhi salam, à des occasions, prenait l'apparence de ce compagnon. Donc, Umm Salama a dit, j'ai vu Jibril sous la forme de Dihyat al-Kalbi. Comme rapporté par l'imam al-Bukhari, sous le numéro 3634, Abu Uthman a dit, Umbi'tu, c'est-à-dire j'ai été informé, Umbi'tu anna Jibril alayhi salam ata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu Umm Salama, faja'ala yuhaddith. ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قال قالت هذا دحية قالت أم سلمة ويم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال كتب بيان أبو عثمان un des transmetteurs de la chaîne de transmission, des rapporteurs du hadith, a dit: on m'a raconté que Jibril, alayhi salatu wa salam, vint trouver le prophète, sallallahu alayhi wa salam, pendant que Umm Salama se trouvait chez lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa salam, s'était mis à causer avec une personne qu'elle ne voyait pas. Puis, quand cet homme se fut levé, il dit à Umm Salama, « Sais-tu qui c'est ?» ou une phrase ayant ce sens. « C'est Dihya, » répondit-elle. « J'en jure par les serments les plus solennels, » s'écria Umm Salama. Puis elle dit, je fus persuadé que c'était lui, jusqu'au jour où j'entendis le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer, alors qu'il était sur le minbar, dans un sermon, qu'il s'agissait de Jibril. Tel est le sens, sinon les termes des paroles de Abu Uthman. Abu Uthman est un tabi'i, ce n'est pas un compagnon qui a entendu cette parole de Umm Salama. C'est pour cette raison que Sulayman, un autre rapporteur du hadith dans la chaîne de transmission, a demandé à Abu Uthman de qui il avait entendu ce hadith, et il répondit, je l'ai entendu de Oussama ibn Zayd, qui lui est un compagnon du messager d'Allah, et c'est Oussama ibn Zayd qui a entendu cette version de Umm Salama. C'est lui qui fait la passerelle, le pont entre Abu Uthman et Umm Salama. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3634. De même, les compagnons ont vu Jibril alayhi salatu wassalam sous l'apparence d'un homme, aux habits d'un blanc vif, et aux cheveux très noirs. C'est le fameux hadith de Jibril que vous connaissez, alayhi salam. Quatrièmement, l'ange Jibril, alayhi salam, venait à lui de façon invisible, de telle sorte que le prophète ne le voyait pas. Mais le prophète recevait la révélation et savait que la révélation allait arriver car il entendait le bruit d'un tintement de cloche. Et ceci lui était très pénible, sallallahu alayhi wa sallam, du fait que l'archange ou l'ange Jibril le serrait fortement à tel point que le front du prophète perlait de sueur, quand bien même il faisait très froid. Écoutez bien ce hadith, c'est le hadith numéro 2 du Sahih al-Bukhari, d'après Aïcha, Umm al-Mu'minin, radiyallahu anha. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول فقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. D'après Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, Al-Haris ibn Hisham, ayant dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, comment te vient la révélation? Celui-ci répondit, à certains moments, elle m'arrive pareil au tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. Puis, la révélation s'interrompt, et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine. Il me parle, et je retiens ce qu'il m'a dit. Aïcha radiallahu anha rajoute, certains jours que le froid était très vif, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. Donc, à travers ce hadith, il est clair que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril venait à lui, entendait comme le son d'une clochette, comme une alarme, comme un signe qui avertirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la révélation allait descendre imminemment. Aussi, lorsque la révélation descendait sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète se trouvait sur sa monture, celle-ci s'agenouillait comme rapporté dans le hadith d'après Aïcha, hadith rapporté par l'imam Ahmed. أنها قالت إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها. والإمام البيهقي في دلائل النبوة زاد قول عائشة من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'après Aïcha, la mère des croyants, lorsque la révélation descendait sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se trouvait sur sa monture, cette dernière posait son ventre, c'est-à-dire ici littéralement la partie inférieure de son ventre à terre. Ça veut dire aussi la partie inférieure, le soubassement, la partie inférieure de son cou. Et l'imam al-Bayhaqi a rapporté dans son livre Dalail al-Nubuwa une parole de Aïcha en plus de ce qu'a cité l'imam Ahmed, où Aïcha a dit: de par la lourdeur et le poids de la révélation descendue sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le prophète sur sa monture recevant la révélation, et à ce moment-là sa monture, qui est ici une chamelle, devait s'agenouiller, se mettre à terre, voire poser son long cou par terre de par la lourdeur du message. Et cela va s'expliquer par le hadith que je vais vous citer à l'instant. Un jour, l'ange Jibril va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de lui révéler de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Le prophète avait sa cuisse posée sur celle de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Lorsque la révélation descendit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que la cuisse de Zayd ibn Thabit se trouvait sous celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Zayd sentit alors le poids, un poids qui faillit l'écraser, qui faillit casser sa jambe, comme le rapporte Abu Daoud dans son Sunan. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Hunan Albani. Écoutez bien. Sahal ibn Sa'd ibn Sa'idi qala annahu qala ra'aytu Marwan ibn al-Hakam jalisan fi al-masjid fa aqbaltu hatta jalastu ila janbihi fa akhbarana anna Zayd ibn Thabit akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amla alayhi لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآيات قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سغري عنه فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرَ. Écoutez bien. Sahr ibn Sa'd ibn Sa'idi a dit: apercevant Marwan ibn al-Hakam assis dans la mosquée, je m'avançais et m'assis à côté de lui. Il m'apprit que Zayd ibn Thabit lui avait appris ce qui suit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dicta le verset suivant. Entre parenthèses, Zayd ibn Thabit fait partie de ceux qui écrivaient la révélation, qui retranscrivait la révélation par écrit. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, puis demande à Zayd ibn Thabit d'écrire ce que le prophète venait de recevoir de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala via Jibril. Les versets que j'ai cités: La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin ila akhiris. C'est des versets de la sourate numéro 9. À ce moment, poursuivit Zayd, Ibn Maktoum survint et dit au messager d'Allah: oh messager d'Allah, si je pouvais prendre part au combat dans la voie d'Allah, je le ferais. Or, il était aveugle. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala révéla au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la foulée la permission pour les aveugles, les infirmes et les faibles de rester en retrait, de ne pas participer au combat. Or, durant cette deuxième révélation, écoutez bien, Zayd a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa cuisse sur la mienne et je la sentis s'apesantir à tel point que je craignais de voir la mienne se rompre. Puis cela se dissipa. Et Allah lui révéla: sauf si les premiers souffrent de quelque mal. Donc ça, c'est la permission à ceux qui sont faibles ou infirmes aveugles, etc., de ne pas prendre part au combat. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 3832. Cinquièmement, l'ange Jibril, alayhi salat wa salam, apparaissait au prophète sous sa forme angélique, sous sa forme réelle, et il lui révélait les versets coraniques. Et cela se produisit à deux reprises. Durant les 23 ans de mandat prophétique, le prophète a vu Jibril sous sa vraie forme, sous sa forme angélique, à deux reprises, comme mentionné dans la sourate Al-Najm. Lisons pour cela les 18 premiers versets de sourate Al-Najm, la sourate 53, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal-najmi idha hawa, ma dalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dans le sens des versets. Par l'étoile, lorsqu'elle décline, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Le compagnon ici, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse, douée de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près du jujubier de la limite. Près de lui se trouve le jardin de l'Ma'wa, ou le paradis de l'Ma'wa. Le jujubier était alors couvert de ce qui devait le couvrir. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des plus grandes merveilles de son Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces versets? C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Donc Allah tabaraka wa ta'ala vient confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril deux fois. Cela est aussi appuyé par ce qu'a rapporté l'imam Muslim sous le numéro 177 d'après Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Lorsque Masruq ibn al-Ajdar, qui était un des élèves de Aïcha, a dit, « Qala kuntu muttakihan inda Aïcha, fa qalat ya aba Aïcha, thalathun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama ala Allahi al-fariyah. Kultu ma hunna. Qalat man za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allahi al-fariyah. Qala, وكنت متكيا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنذريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المغرتين ورأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. مسروق a dit, un jour que j'étais accoudé chez Aïcha رضي الله عنها, elle me dit, « Ô Abu Aïcha, donc elle interpelle ici Masruq. Trois choses, quiconque prétend l'une d'elles aura forgé un grand mensonge sur Allah. Je lui dis lesquels? Elle dit, quiconque prétend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur aura forgé un grand mensonge sur Allah. Étant appuyé sur mes coudes, ajouta Masrouk, je me mis assis et dis, ô mère des croyants, donnez-moi du temps pour comprendre et ne me pressez pas. Allah l'exalté n'a-t-il pas dit, il l'a effectivement vu au clair horizon, wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin, et n'a-t-il pas dit, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Parmi les gens de cette communauté, répondit-elle, j'étais la première à poser cette question à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui m'avait alors répondu, il s'agit de Jibril, que je n'ai vu sous sa forme originelle que ces deux fois, dont une fois quand je l'ai vu descendre du ciel, couvrant de sa grande stature tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Nous avions évoqué ce hadith-là dans les débuts de la révélation. Puis Aïcha rajouta, n'as-tu pas entendu ce verset? Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, c'est-à-dire un ange qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Sahih de l'imam Muslim, sous le numéro 177 ou 287 selon l'édition. Sixième forme. Allah tabaraka wa ta'ala révèle au prophète directement, sans l'intermédiaire de Jibril, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Notamment lors de l'ascension. Nous parlerons de cela en détail, inshallah tabaraka wa ta'ala, en son heure, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté au ciel, Allah lui a parlé directement et lui a prescrit les cinq prières obligatoires, journalières et quotidiennes. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé au prophète de derrière un voile. Le prophète était en état d'éveil. Et ce ne fut pas un rêve ou un songe. C'est ainsi que la prière fut prescrite. Nous reviendrons en détail sur cet événement important en son heure. Ou alors, Tabaraka wa ta'ala révèle au prophète directement, mais à travers le songe. Il faut que vous fassiez la différence entre cette forme-là et ce qu'on a cité en tout premier, le songe véridique. Le songe véridique, c'est lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voit une chose en songe qui va s'avérer vraie dans la réalité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fait montrer des choses qui vont s'avérer vraies. Or ici, Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser dans le songe au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi sous le numéro 3234. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala atani rabbi fi ahsani surah fa qala ya Muhammad qultu labbayka rabbi wa sa'dayk. قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب فقال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عبد الله بن عباس rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mon Seigneur est venu à moi dans la meilleure apparence, c'est-à-dire ici en songe. Puis m'a interpellé: Ô Muhammad, j'ai répondu, me voilà à toi, Seigneur, répondant sans cesse à ton appel et ne cessant de bénéficier de tes bienfaits. C'est le sens de la Baika Rabbi wa Sa'dik. Me voilà à toi, Seigneur, répondant sans cesse à ton appel. Ça veut dire aussi étant sans cesse dans ton obéissance et ne cessant de bénéficier de tes bienfaits. Il dit, sais-tu sur quel sujet débattent les hauts dignitaires du ciel, c'est-à-dire les anges? J'ai répondu, je ne sais pas, mon Seigneur. Il posa sa main entre mes deux épaules et j'ai senti la froideur entre mes deux seins, c'est-à-dire sur le torse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris alors ce qu'il y avait entre l'Orient et l'Occident. Il dit, ô Mohammed, j'ai répondu, me voilà à toi Seigneur, répondant sans cesse à ton appel, ne cessant de bénéficier de tes bienfaits. Il dit, sais-tu sur quel sujet débattent les hauts dignitaires du ciel? Je répondis, sur les degrés, à Darajat, sur les actes expiatoires, sur le fait de se rendre à pied aux prières en groupe, de parfaire les ablutions dans les moments difficiles, d'attendre la prière suivante. Celui qui préserve ces choses vivra dans le bien et mourra dans le bien. Il sera face à ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire dénué de tout péché. Ces choses-là que le prophète a apprises, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous a transmises, le prophète les a reçues d'Allah tabaraka wa ta'ala via le songe. C'est la sixième forme qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah tabaraka wa ta'ala. Septième forme, Allah tabaraka wa ta'ala lui révélait parfois des paroles directement, sans l'intermédiaire d'un ange. Sans l'intermédiaire d'un ange, directement. Ceci se produisit notamment pour Moussa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa. En ce qui concerne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur cette manière de révéler, nous avons le récit de l'ascension, hein, qui l'atteste. Puis, Ibn al-Qayyim dit en conclusion, quelques savants ont ajouté à cela une huitième forme de révélation et ont affirmé qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait parlé à son prophète directement sans voile de ses parents. Ceci fait l'objet de divergences entre les prédécesseurs et les successeurs, et cet avis ne repose sur aucune preuve. Ceci étant dit, quels étaient les signes apparents sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il recevait la révélation? Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam éprouvait des difficultés à garder un état normal lors de la descente de la révélation. Ceci explique la sueur qui coulait de son front, sur son visage, à des moments où il faisait très froid. Les compagnons autour de lui pouvaient aisément constater aussi son changement d'état. Lorsque la révélation descendait, les compagnons entendaient à côté du visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bruit semblable au bourdonnement des abeilles. Et cela d'après le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi sur le numéro 3173. D'après Omar ibn al-Khattab qui a dit « Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha unzila alayhi al-wahyu sumi'a inda wajhihi kadawiyin nahl » D'après Omar ibn al-Khattab, qui a dit, lorsque descendait la révélation sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, on entendait près de son visage un bruit tel le bourdonnement des abeilles. Et cela ne vient pas contredire ce que nous avons cité auparavant. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevait la révélation, il entendait tel le tintement d'une clochette. Ça, c'était du côté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais du côté des compagnons, ils entendaient un bruit tel le bourdonnement des abeilles. Deuxième signe, son front et ses tempes coulaient de sueur, sallallahu alayhi wa sallam, même en temps très froid. Et nous avons cité pour cela le hadith de Aïcha, en début de cours, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. D'ailleurs, il y a de nombreux hadiths sur cela, mais à chaque fois, je m'en tiens à citer qu'un seul hadith par souci de concision. L'imam Ibn Hajar, rahimallah tabarak wa ta'ala, souligne que cela fatiguait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela fatiguait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il sortait de son état habituel et de son état naturel. Non. Troisième signe distinctif qui nous prouvait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de recevoir la révélation, c'est que son poids augmentait. Et nous avons cité à cet effet la parole de Zayd ibn Thabit, qui crut que sa jambe allait céder sous le poids de celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier recevait la révélation. Nous avons aussi rapporté d'après Aïcha que la chamelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, posait son cou ou son ventre à terre lorsque le messager recevait la révélation et qu'il se trouvait sur elle. Quatrième signe, il était pris de fièvre et d'angoisse, comme le rapporte Aïcha. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2770. C'est le fameux hadith de la calomnie sur Aïcha. C'est un long hadith, inshallah, nous y reviendrons en détail en temps voulu. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est la parole de Aïcha lorsqu'elle dit Fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam majlisahu wa la kharaja min ahli al-bayti ahadun hatta anzala Allahu azza wa jalla ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. الله أكبر. Aïcha, lorsqu'elle a été accusée d'adultère, elle a dit « Jamais je n'aurais espéré qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse descendre un verset sur une personne aussi insignifiante que moi. » Elle a dit « Par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas non plus que personne des gens de la maison avant d'avoir reçu la révélation et d'avoir été saisi de l'état de fièvre et d'angoisse qui accompagnait toute révélation. » Même dans un jour d'hiver, les gouttes de sueur tombaient en abondance et étaient si grosses que les perles. Tant est lourd le fardeau de la parole divine quand elle descend. Allahu Akbar. Autre signe. Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assombrissait puis rougissait. Tarabbada wajhuhu wa ahmara. Tarabbada wajhuhu, c'est-à-dire que son visage prenait une teinte grise, grisâtre. Puis, il reprenait sa couleur rosée ou rougeâtre. Ceci est appuyé par le hadith rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 2334. D'après Ubadah ibn Samit, qala kana nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam idha unzila alayhi kuriba lidhalika wa tarabbada lahu wajhuhu. D'après Ubadah ibn Samit qui a dit, c'est une partie du hadith, lorsque descendait la révélation sur le messager, il angoissait et à cause de cela son visage s'assombrissait. Autre signe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, baissait la tête et couvrait son visage de son vêtement. C'est le hadith rapporté par l'imam muslim sur le numéro 2335. C'est-à-dire le hadith qui fait suite au hadith précédent. An Ubadah ibn Samit qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha unzila alayhi al-wahyu nakasa ra'sahu wa nakasa ashabuhu ru'usahum. فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ. D'après Ubadah ibn Samit radiallahu anhu qui a dit, lorsque descendait la révélation sur le messager, il inclinait sa tête et ses compagnons inclinaient la leur. Il inclinait sa tête et les compagnons inclinaient la leur. Quand la révélation était finie, il relevait sa tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Autre signe. Lorsque descendait la révélation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on entendait de lui un son tel le son de la jeune chamelle, ce qu'on appelle en arabe Ratitul Bakr. Ça, c'est le hadith de l'imam al-Bukhari sous le numéro 1789. D'après Ya'ra ibn Umayyah radiallahu anhu, قال وددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسغرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيت وأحسبه قال كغطيت البكر. رواه البخاري. يعلى ابن أمية se rendit près de Omar et a dit, je voudrais bien voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où la révélation lui est faite. Eh bien, dit Omar, viens, cela te ferait-il donc plaisir de voir le prophète au moment où il reçoit la révélation? Il répondit que oui. Alors Omar souleva l'extrémité de la pièce d'étoffe et je vis le prophète geignant, c'est-à-dire produisant le bruit d'un chamelon. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut débarrassé de la pièce d'étoffe et dit « Où est celui qui m'a interrogé au sujet du pèlerinage privé ?» Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été questionné. La révélation fut descendue à ce moment-là. Omar a montré cet événement à Ya'la ibn Umayyah qui constata de visu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, produisait un son tel le gémissement d'un jeune chamelon. Sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion de tout cela, Abu Shab al-Maqdisi rahmallahu tabarak wa ta'ala a dit, cette sueur qui couvrait le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rougeur de son visage, le son produit par sa bouche, la lourdeur qu'éprouve sa monture ou la cuisse de Zayd, tout cela du fait du poids de la révélation sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'en a informé son Seigneur, nous allons te révéler des paroles lourdes. Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. Surah 73. Et cela du fait de la faiblesse de l'être humain aussi à porter cet illustre message du tout sublime. C'est aussi le fait de la peur d'être déficient en parole ou en acte à ce qui lui est demandé. Car nous avons parlé d'une chose. Nous avons dit que le prophète, sallam, lorsqu'il recevait la révélation à Sabahul Karb, il était pris d'angoisse. Cela n'est pas un défaut à ce moment, mais c'est plutôt une qualité, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était angoissé, en réalité, il était apeuré de ce qui allait être révélé sur lui. De ce qui allait être révélé sur le prophète, avait saisi l'importance et la lourdeur de ce message, sallallahu alayhi wa sallam. De même, le prophète avait l'angoisse et la peur d'être déficient par rapport à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait confié dans la transmission du message, dans l'enseignement, dans la propagation de la vérité. Le prophète éprouvait de la crainte à une éventuelle déficience de sa part. Voilà pourquoi le prophète était angoissé lorsque la révélation descendait sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.